boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Cyril et toute sa bande, si vous êtes des amateurs de concerts dans la région rouennaise, rock, pop, hip-hop et autres scènes françaises, une programmation hétéroclite dans cette salle, comme ce soir dans Pop and Rock où je vais retracer avec vous les nombreux concerts que j'ai vus dans les mardis du Grand Marais, de No One Is Innocent en passant par Anaïs jusqu'à Eddie De Preto, c'est ça les mardis du Grand Marais dans Pop and Rock.

métro et tous ces putains de torchons n'inspirent qu'une seule idée. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon de perdre la raison, de baiser les prénoms. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon de perdre la raison. Que l'on vous laisse pour aller bosser. Tant pis pour l'ivresse, il faut bien rentrer du blé. Il est déjà 8h, notre piste vient de passer et l'on se dit tout excité. Tout excité. Autant partout. Bon. Ok les amis, on est ravis d'être avec vous ce soir tous ensemble réunis. Et si vous voulez bien nous accompagner pendant cette partie de la soirée, eh bien on veut bien vous amener dans un endroit un peu bizarre. Cet endroit là, on l'a appelé le zoo de nuit. Une sorte de monde parallèle, où malgré les aléas de début de journée, avec beaucoup de pluie qui tombe, tout d'un coup le soleil apparaît au travers des nuages. Ceci est la magie du temps, bienvenue dans l'asile de flou. Mais avant de partir, il faudra bien se bouger. Mais avant de partir, est-ce que vous voulez péter les plombs avec nous? C'est bon de perdre la raison, de péter les plombs. Putain, qu'est-ce que c'est bon de perdre la raison, de péter les plombs. C'est Fred qui avait écrit ce morceau et ça dit en substance. Chronique, le modèle de mondialisation à l'américaine. Qu'on me dise, les collègues d'un peu plus au sud, de l'autre côté de la Méditerranée, en Kabylie, à vous! Ne peuvent plus en parler. Son corps a ondulé pour ceux qui ont espéré de cette belle femme. Et non pour se venir de la base d'une flamme et l'enfer pour venir. Pour la voir danser, d'avance il faut payer. Pas question de gros sous, ni de tombes, ni de trous. Pas non plus de chèques en bois, car la monnaie c'est toi. C'est une valeur sûre, pas de celle qui fluctue. Qu'on marque ses voitures, réponds à ce qui lui est dû. C'est la danse de Salomé. Et ce dimanche se balance et l'ondule. C'est la danse de Salomé. Si ça revanche, elle avance et recule. C'est la danse de Salomé. d'ange ou bien de démon n'a qu'une seule parole. Elle danse pour les garçons qui d'émotions raffolent. Ils ont de grands frissons lorsqu'ils la voient danser dans toutes ces positions qu'elle arrive à trouver. Et la toucher des yeux suscite des convoitises. Ils sont tous amoureux mais vont crever sans bise. Les hanches se balancent, elle ondule. C'est la danse de Salomé. C'est sa revanche, elle avance et recule. C'est la danse de Salomé. Tu crèves d'envie de la voir danser. Amoureux, comme mouvement de bras et regard langoureux. Elle doit son plaisir et puis celui des hommes qui sont prêts à mourir sans avoir fait besoin. Je crois peut-être séduire cette funeste danseuse. Avec elle finir une vie très heureuse. Mais ce n'est qu'illusion car Salomé n'est pas hologramme ou vision. Mais bel et bien, prépare. Elle se balance, elle ondule. C'est la danse de Salomé. C'est sa revanche, elle avance et recule. C'est la danse de Salomé. Tu crèves d'envie de la voir danser. C'est la danse de Salomé. Elle se déhanche, se balance, elle ondule. C'est la danse de Salomé. C'est sa revanche, elle avance et recule. C'est la danse de Salomé. Tu crèves d'envie de la voir danser. C'est la danse de Salomé. Le rock festif des beautés vulgaires croisait aussi souvent la musique d'origine klezmer des blaireaux de Ravel qu'on écoutait du fond de notre baignoire. Parcours un périple, je prends le moins d'affaires possible. Juste une tenue d'air qui me va à ravir. Je ne suis pas moussaillon, je suis capitaine du navire. Sur les flots de mon crachoir, évitant les icebergs hollywoodiens, reviennent à ma mémoire des lieux que j'ai rêvés en vain. Des palais, des prairies que je sculpte au hasard. J'ai pas le mal du pays, je suis tout seul dans ma baignoire. Cafetière à portée de main, cette fois au moins je suis préparé. Même contre les requins, j'ai une fourchette sous ma bouée. Faut que je fasse tout seul, puisqu'il n'y a pas d'équipage. Mais je ferai pas le bégueule si tu veux retirer ton corps sale. Et naviguer à mes côtés sur un océan déchaîné. Et la flotte va déborder, mais je m'agite déconcentré. Mon canard se noie, mon cerveau est congelé. Aucun échappatoire.

manouche sédentaire, un zigan qui sait se taire. Mais je suis blanc pour eux, j'y tends pour les blancs. Et je suis les deux avec le temps. Je suis d'ailleurs, je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs, et je vais bon train. Je suis d'ailleurs, et je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs. Bien mieux qu'aujourd'hui avant, on vous le dira, c'est bien vrai. Avant, on prenait le temps pour le baiser. Avant, on vous le dira, c'est bien vrai. Avant, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Avant, c'était tendre, elle contre lui. Mais aujourd'hui, on n'en a rien à faire d'attendre pour s'aimer. On veut de l'immédiat pour se plaire. On ne veut plus jouer à la poupée. Mais que vaut un baiser de nos jours? Mais que vaut un baiser? Mais que vaut un baiser de nos jours? Moins qu'avant on dirait. Toudé, on s'en fout bien de s'aimer. Toudé, on s'en fout de se connaître. Toudé, on voudrait rentrer par la fenêtre. Toudé, on s'en fout de se connaître. Toudé, on s'en fout bien de s'aimer. Toudé, on ne veut plus que baiser. Mais aujourd'hui on n'en a rien à faire d'attendre pour baiser. J'enlève mon pull, enlève ta polaire. J'ai trop envie de te caresser. Mais que vaut un baiser de nos jours? Mais que vaut un baiser? Mais que vaut un baiser de nos jours? Plus grand chose il paraît. Pour un rien, tu noies tes remords. Ton pote te dit vas-y fonce, t'es le plus fort. Et t'aimes bien quand elle te mord. Tu recouches pour un rien une nouvelle fille chaque jour, c'est bien. Mais aujourd'hui tu ne sais plus quoi faire. Tu te sens un peu lésé. Tu ne sais plus trop si tu es le baiser ou bien le baiser. Mais que vaut un baiser de nos jours? Mais que vaut un baiser? Mais que vaut un baiser de nos jours? Peut-être plus qu'on croyait. Allez! Et un jour, elle t'embrasse, mais ce jour, c'est plus pareil. Tu frissonnes de la tête aux orteils. Mais ce jour, c'est plus pareil. Ce jour, tu l'embrasses, tu l'aimes. Va falloir que tu t'y fasses. Et aujourd'hui, tu te retrouves par terre.